ça va, folks, fellows, brothers and sisters, etc. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 592, avec une particularité. C'était il y a très peu de temps l'anniversaire de George Harrison. Il aurait eu 81 ans, puisqu'il était né le 25 ou le 24 février 1943. Donc ça fait bien 81 qu'il n'a pas eu, forcément, vous savez bien. Alors c'est bizarre parce que... il est mort il y a plus de 20 ans. À l'époque, je me disais, voilà, ouais, 59 ans, c'est pas mal. J'ai 59 ans. Et je me dis, ah, je durerais bien encore un petit peu si ça dérange personne. Donc, plus on prend de l'âge, plus on se dit, non, vieux, c'est pas encore mon âge, c'est plus vieux encore. Bref, aujourd'hui, c'est un live et c'est George Harrison qui va commencer le live. C'est ce qu'ont dit les trois autres partenaires parce que nous vivons dans une dimension dans laquelle George Harrison et John Lennon sont toujours en vie. Et ils donnent un concert à Bordeaux, au stade bordelais, qui est un petit peu plus loin. Je suis en direct là-bas et je vais vous retrouver, j'espère, nombreux et nombreuses pour pouvoir commenter ce superbe concert. Je ne vous donne aucun titre puisque je ne les connais pas moi-même. On va voir ça dès le début de l'émission. Mais je vous propose de nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four pour pouvoir commenter. C'est le petit titre qui est en haut, notamment avec les 4 Beatles, puisque c'est aujourd'hui un live, 100% live. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Thank you. live qui commence bien. Here comes the sun. C'est vrai que aujourd'hui il y a eu du soleil. À partir de demain, ce sera une autre histoire. George Harrison continue. Voici Old Brown Shoe sur RG. Something, ça sera la prochaine. Oh zut, je viens de vous révéler que je connais une partie de la playlist. En tout cas, les trois autres, Paul, John et Ringo, ont fait signe. Tu continues. Alors, ils continuent. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, le mercredi soir, de 20h à 22h. Et ce soir, on va faire des prolongations. Like no other lover. Something. Et John Lennon de dire allez, bon anniversaire, George. Et là, je baisse le retour parce qu'ils sont en train de se présenter. Salut, moi c'est John. Salut, moi c'est Paul. Salut, moi c'est Ringo. Salut, moi c'est George. Enfin, j'ai peut-être raté. Hein. C'est pas grave. Vous remettrez ça dans l'ordre. John, Paul, George, Ringo. Voilà. Et on a quand même bien démarré cette saga puisque c'est Here Comes the Sun, Old Brown Shoe et Something, tout du Beatles pour le début. Et là, John Lennon a dit, allez, maintenant, repose-toi, tu es vieux, tu as 81 ans, laisse-moi faire un petit peu le débile. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, à mon avis, ça doit être John. Don't let me down. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. First time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Blue go. Yes, she does. I guess nobody ever really done. Real man says, I got the wrong location. We took the bag,

people. Cette chanson était un hommage au producteur de Beatles, George Martin. Il nous l'a refait comme à la fin de 1969 lorsque il dit je veux dire merci au nom des filles et de moi-même et j'espère que nous avons passé l'audition. Ben oui, les Beatles, depuis 1962 quand même, ils ont largement, mais très largement passé l'audition. Vous êtes sur RIG, je suis Thierry Gallet. RIG, c'est la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h. Et aujourd'hui, on va probablement dépasser un petit peu, du genre un quart d'heure, 20 minutes, peut-être un peu plus, on verra. Parce que le concert a promis d'être un petit peu long. Ils sont contents de revenir à Bordeaux, ils sont très en forme. Car oui, vous ne rêvez pas, nous sommes dans une dimension particulière dans laquelle John Lennon et Ringo Starr. Non, Ringo Starr, il n'est pas encore mort, et heureusement. John Lennon et George Harrison, je n'arrive pas à me concentrer, sont toujours vivants et profitent de l'occasion pour se réunir tous les quatre, George, Paul, John et Ringo, pour faire des concerts de temps à autre et souvent à Bordeaux parce que c'est seulement à Bordeaux, à Blanquefort pour être exact, il y a la saga des Fab Four, cette saga qui existe depuis 1984. Donc cette année, 2024, on fête les 40 ans et arbitrairement, comme... Je vous ai dit régulièrement que je ne me souvenais plus exactement quel mois j'avais créé cette émission, mais je sais que c'était en 84. Comme moi, mon anniversaire, ça va être début avril, eh bien, dans le mois d'avril, il y aura les 40 ans de cette émission. On va peut-être faire des jingles promouvoir un petit peu plus ça pour que vous puissiez rameuter du monde pour dire 40 ans d'une émission de radio, c'est quand même pas fréquent. Donc, il faut l'écouter, c'est sur 90.7, c'est sur www.rigfm.fr. C'est entre septembre et juin, tous les ans depuis des années et des années sur RIG. Ça, vous l'avez reconnu, c'est My Sweet Lord sur RIG. I wanna see you, Lord, that it's George Harrison sur RIG avec My Sweet Lord. J'en profite pour envoyer un petit bisou à Maëlys et Maëva, qui sont deux jeunes filles qui vont bientôt aller se coucher, je pense, mais qui sont restées éveillées de façon à pouvoir écouter la saga des Fab Four. Alors toute l'équipe de la saga, Aurélie, Alexandra, Didier à la réalisation, et puis moi-même, je fais des grosses bises à Maëva et Maëlys. Voilà, c'est fait. La suite de la saga, c'est maintenant avec, attention, rock'n'roll, Dizzy Miss Lizzy sur RG. Dizzy Miss Lizzy. C'est ce que j'allais dire. Ça commence à s'énerver chez les filles dans le public. On veut continuer avec une chanson qui est le titre de notre nouveau film, tu parles. And a song is called Help. La chanson s'appelle Help. I'm gonna change my mind. fait presque un bruit d'avion. On continue, Ringo, Act Naturally sur RIG. McCartney est en train de dire, les filles, il va falloir se calmer parce qu'on va pas pouvoir continuer le concert comme ça, on ne s'entend pas. D'ailleurs, je tiens à vous signaler, ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire à l'instant, il va y avoir dans quelques instants des invités, comme Eric Clapton qui a déjà été présent lors du début du concert à la guitare, mais il va chanter, Eric Clapton. Il y aura également Peter Frampton, il y aura Jeff Lynne et Danny Harrison sur un titre. Il y aura également Danny Lane qui nous chantera quelque chose, ainsi que, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voici tout ce que je sais pour l'instant de ce fabuleux concert qui a démarré à 20h et qui va se terminer après 22h. C'est à peu près sûr. Vous voulez qu'on fasse pendant cette petite pause qu'ils font, et 80 ans de moyenne d'âge, même davantage, puisque 81, c'est l'âge du cadet, George Harrison. Donc les autres sont plus vieux, oui. Donc, pour l'instant, on a écouté Here Comes the Sun, Old Brown Shoe, Something, Don't Let Me Down, One After 909, Love Me Do, Get Back. On écoutera plus tard un tout petit bout de Get Back. Ils ont recommencé juste comme ça pour, on va dire, pour déconner. My Sweet Lord, Dizzy Miss Lizzy, Help et Act Naturally. Voici Carl Perkins, George Harrison qui arrive sur la scène du Bordeaux avec ce titre, Blue Sweet Shoes sur RG. I tell you to get ready now. Go to Canada, don't you? Set for my blue sweater suit. But we could be worth a thing. They are there, blue sweater suit. Well, you can burn my house, steal my car, drink my liquor from a whole fruit jar. Do anything that you wanna do. Thank you. maintenant, je sais que vous allez aimer puisque c'est ma chanson préférée. Peter Frampton et Eric Clapton dans ce titre. Ah, je vais vous le laisser deviner. Oh, je vous ai dit ma chanson préférée, c'est trop facile. Vous savez qu'Eric Clapton aime bien changer les intros. Voilà. While My Guitar Gently Weeps sur RG avec Eric Clapton et Peter Frampton. Mistake. combat de guitare entre deux grands guitaristes, Peter Frampton et Eric Clapton. Et Eric Clapton reste pour une chanson co-écrite avec George Harrison, Badge. I might have known you. Quel superbe titre! Eric Clapton est ovationné, carrément. Et Eric Clapton qui est relié aux Beatles quand même parce qu'il a eu la même femme que George Harrison. Et puis il a fait partie, il a fait le solo de While My Guitar Gently Weeps, invité par George au moment de l'enregistrement de ça, de cette chanson-là. Et puis ce sont, ils sont vraiment très très amis, même encore maintenant, enfin même encore maintenant, façon de parler. Oui, même encore maintenant, puisque nous sommes dans une dimension dans laquelle George Harrison et John Lennon sont toujours en vie. Donc, Clapton et Harrison sont toujours amis. Je retombe sur mes pattes. D'ailleurs, Clapton vient de lui dire, souviens-toi, il y a tant d'années, lorsque nous avions chanté cette chanson. Bangladesh, sur la régie. un live très spécial ce soir sur RG 90.7 ou www.rgfm.fr. C'est John, Paul, Ringo et George en live de 20h à 22h passées d'un paquet de minutes. Voici Isn't It a Pity en live. pas de nous laisser sur cette chanson-là, George Harrison, quand même. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson, Isn't It a Pity. Travailler avec les Beatles, mais sorti après, plus tard, sur l'album All Things Must Pass. Et puis là, c'est en live, avec nos quatre amis ensemble, puisque dans cette dimension-là spéciale, tout le monde est vivant, tout le monde. Ça, c'est les premiers accords de Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Vous êtes sur RIG, c'est la saga des Fab Four numéro 592. Et allez, je vous le dis maintenant, on fêtera les 40 ans de la saga le 3 avril, de 20h à minuit. To do it right now. I got my mind set

Merci, Danny. C'est vrai, les réflexions, il a la voix de son père. C'est vrai, Danny a la voix de son père. Ça, c'est Money, That's What I Want, par John Lennon sur RIG. je suis d'accord avec vous, ça hurle un petit peu. Mais il faut expliquer que Cold Turkey en anglais, et je ne sais pas pourquoi, il faudrait qu'une anglaise me donne la réponse, ça veut dire désintoxication pour quelqu'un qui a été drogué. Pourquoi une dinde froide? Je ne sais pas, je l'ignore. Bon. Vous avez remarqué quand même que Paul McCartney était assez calme pour l'instant. Il était dans les chœurs, il était à la basse bien évidemment, quelquefois au piano, mais pas encore au chant principal. Chose réparée, voici Paul McCartney maintenant et quasiment jusqu'à la fin. Listen to what the man said. Sur RIG, c'est la fête de John, Paul, Ringo et George. Un concert virtuel avec nos quatre amis qui, dans cette dimension, sont tous vivants. RIG. Just a little baby boy. Every night I would call home because your number brought me Paul McCartney. On va revenir sur le concert dans quelques secondes pour vous rappeler que vous êtes bien sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. On a écouté des tonnes de chansons. Demandez sur Facebook, dans le groupe La Saguenay Fab Four, si vous n'arrivez pas à suivre, si vous voulez, les titres des chansons. Et de toute façon, lorsqu'il y a le podcast, je sais, je suis en retard, mais c'est pas souvent. Lorsqu'il y a le podcast sur un des sites, pas celui de Dropbox, mais sur un des sites que je vous indique sur Facebook, il y a également la possibilité d'avoir l'intégralité de la setlist. Donc, profitez-en, n'hésitez pas, allez voir, et vous saurez tout. McCartney, Paul, voulait rendre hommage à son pote Danny Lane, qui a disparu il y a peu de temps, et il nous propose une vidéo qui date de 1976 sur l'album Wings Over America. C'est Danny Lane qui nous chante Go Now sur la RIG. Je précise que Paul, John, Ringo et George sont les musiciens en direct. Et derrière, il y a un écran avec Danny Lane. Rock and roll. Quelle voix, mais quelle voix, c'est impressionnant. Paul McCartney au meilleur de sa forme ce soir sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 592, un live de John, Paul, Ringo et George, car nous sommes dans une dimension dans laquelle, eh bien, ils existent tous. John et George sont toujours vivants et McCartney va encore vous proposer un titre que vous connaissez habituellement en studio. Spin It On sur RIG. Même album, A Road Through Me, sur RIG. La saga des Fab Four. Il n'y a pas Eric ce soir, donc on prolonge un petit peu. Find a plane. Theory, c'est le moment où depuis deux minutes j'ai passé le relais à Eric, mais Eric n'est pas là ce soir. J'avertis pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui n'écouteraient que en FM sur 90.7 ou qui n'auraient pas Facebook, on sait jamais, pour le savoir sur le groupe de Johnny de A à Z de d'Eric justement. Bref, Eric, on te souhaite de revenir la semaine prochaine, on sait que tu le feras, et pour l'instant on continue, on a encore une quinzaine de titres à passer. Et voici Paul McCartney brandit sa guitare sèche. Qu'est-ce que ça va être? Oh, tranquille. Good Rocking Tonight sur RG. Et en live. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. too late, you know. I love my baby too much to waste. All this loving is getting me down. You go out the gold stream and over the rest. But I'm all going to ride me by the bus. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm on 12, I'm starting to sag. 15, the more I'm ready to try. I'll get to the top. C'est bon. Mon seul regret de ma vie, je pense, ce sera de ne pas avoir appris à danser le rock. C'est tellement bien. On continue le concert. Ça, c'est Freedom sur RJ. Tous ensemble, on tape du pied et on tape dans les mains. Yeah. Paul McCartney sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 592. Une spéciale les Fab Four en live avec John et George qui sont toujours vivants dans cette dimension et qui chantent ce soir pour vous, auditeurs de RIG, sur 90.7 si vous êtes dans la région bordelaise ou sur www.rigfm.fr pour le reste de la France, de l'Europe, du monde, voire peut-être de l'univers. Ça, c'est plus récent. Come on to me sur RIG. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. If you come on to me, will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? Ils le font en live. Merci. RVG 90.7, la seule station qui vous diffuse des Beatles tous les mercredis entre 20h et 22h.

Ringo Starr avec un gros gros coup de main de son pote George à l'époque en 1973 quand cette chanson a été est sortie sur un album en fait. Oh, souvenez-vous de celle-là, de No No No Song. Quatre amis s'en vont derrière le rideau. J'ai baissé le son pour éviter que vous entendiez le wow, wow, comme ça. Mais est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que c'est déjà la fin du concert? Les lumières s'éteignent à nouveau. Ils reviennent. C'est toujours Ringo. I wanna be your man sur RG.

Longue ronde.